Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Alors, nous sommes donc nous sommes arrivés à la fin de la guerre de succession avec la mort d'abord de Childéric II dans la forêt de Lognes, de sa femme et de son fils Dagobert, puis après le rappel de Dagobert II, la mort de Dagobert II sur le trône d'Austrasie. Assassiné aussi à la lisière d'une forêt avec sa femme en 679. Donc à ce moment-là, en réalité, Ébroin devient de fait le maire du palais non seulement de Bourgogne et de Neustrie, mais aussi le maire du palais d'Austrasie. Il écarte son allié, son ancien allié Wulfoald, qu'il soupçonne d'être trop proche des intérêts pépinides. Et le seul roi du Regnum Francorum est Thierry III. Mais alors, un petit aparté sur ces guerres de succession, cette guerre de succession qui a commencé donc en 73 et qui s'achève une première fois en 79, c'est qu'elle semble, cette guerre de succession semble opposer trois blocs distincts aux intérêts bien identifiables, la Neustrie, la Bourgogne et l'Austrasie. Or, les jeux d'alliance entre les clans, les partis, les allégeances montrent une toute autre cartographie des clivages. Dans chacun de ces sous-royaumes se trouvent des partis pro et anti. En Austrasie, un parti pro-neustrien tempéré qui tempère les velléités d'un parti indépendantiste. En Bourgogne, les partis se distinguent entre ceux qui soutiennent la Neustrie contre l'Austrasie et ceux qui soutiennent l'Austrasie contre la Neustrie. Quant aux Neustriens, ils hésitent entre une unification du Regnum Francorum par la force ou la diplomatie des petits pas. On voit à travers ces conflits, cette guerre de succession, comme se reflétait de loin en loin le rêve d'unité des trois fils de Clotaire Ier, Sigebert, Gontran et Chilpéric. Chilpéric, cette unité doit se faire dans le bruit des armes, Gontran dans la foi et Sigebert dans l'exercice d'une magistrature morale appelée à rayonner au-delà des frontières. Trois figures majeures qui ont eu le privilège de marquer le pays de leur empreinte indélébile, au point que les conflits successoraux sous la reine Berthilde ne sont qu'une répétition des rivalités qui ont opposé ces trois frères et ces trois rois prestigieux. Dans un langage allégorique, on y retrouve les trois vertus, la force, incarnée par Chilpéric, la foi, incarnée par Gontran, et la gloire, incarnée par Sigebert. Force, foi et gloire sont à l'origine et à la racine de notre identité française. Donc en 679, Ébroin devient de fait le maire du palais non seulement de Neustrie et de Bourgogne, mais aussi d'Austrasie. Pépin de Hersalt, fils d'Anquise et de Béga, et petit-fils de Pépin de Landen, considère que la mairie du palais d'Austrasie, qu'il exerce de fait depuis la mort de Wulfoald en 676, lui revient de droit et déclare la guerre à Ébroin. Le vieux renard le bat à plate couture en 680, dans une fameuse bataille près de Laon, le Cofaco. Le royaume de Neustrie triomphe. Les Austrasiens et les Pépinides sont humiliés. Le parti pro-neustrien qui compte des alliés même dans les rangs austrasiens se réjouit. Mais la victoire est de courte durée. En 681, Ébroin est assassiné près de Paris par un agent du fisc, Hermanfred, qui trouve refuge à la cour de Metz avec une partie du trésor neustrien dont il a réussi à s'emparer grâce aux actes authentiques qu'il possédait en tant qu'agent du fisc. Donc c'est une véritable félonie de la part d'un agent du fisc. Pépin de Hersal prend possession de la mairie du palais d'Austrasie sans trouver trop d'opposition. En Neustrie, Pépin alors envoie des émissaires qui se mettent d'accord avec les grands du royaume sur la personne de Garaton comme maire du palais. Or, on sait que Garaton est un parent d'Ébroin. En tout cas, il y a des forts éléments de preuve qui laissent entendre que Garaton est un parent d'Ébroin. Pépin de Hersal, d'ailleurs, se méfie de Garaton et lui demande de lui envoyer des otages pour s'assurer de sa bienveillance. Faute d'otages, Pépin de Hersal menace de mettre un homme à lui. Mais Cet envoi d'otages est extrêmement mal vu par les grands du royaume de Neustrie, dont l'orgueil est quand même très susceptible. Et ils sont scandalisés par cette humiliante. D'ailleurs, ils sont scandalisés et soutiennent en réalité le fils du vieux Garaton, qui s'appelle Gislamer, et le soutiennent dans sa tentative de s'emparer de la mairie du palais. Celui-ci fait un véritable coup d'État et devient maire du palais à la place de son père, qui est considéré comme un véritable parricide par les chroniqueurs ultérieurs. Le Gilsamer est en plus un efficace combattant, puisqu'il bat Pépin d'Hersalt, près de Namur, mais meurt peu après, d'ailleurs dans des circonstances non élucidées, en 684. Garaton retrouve alors sa position de maire du palais, avant de mourir de vieillesse en 686. Il est remplacé alors par son gendre, Bercher. Mais celui-ci n'entend pas se faire dicter sa conduite par Pépin de Hersalt et déclenche les hostilités. Il est battu en 687 lors de la bataille de Tertri. Et apprenant la défaite, la belle-mère de Bercher, Anstrude, peut-être inspirée par le personnage de Frédégonde, décide de l'assassiner et de marier la fille de Bercher, c'est-à-dire sa propre petite-fille, Adaltrude, à Drogon, duc de Champagne et fils de Pépin de Hersalt. Donc en 690, Pépin de Hersalt est le seul maire du palais de tout le Regnum Francorum, une légitimité qu'il s'est acquise par les armes et une providentielle alliance matrimoniale. Thierry III reste le roi en titre, les Pépinides gouvernent sans partage, mais les partisans des Mérovingiens n'ont pas baissé les armes. Merci et à bientôt.